les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. L'histoire décrit non pas les faits extérieurs, mais la secrète fermentation des cœurs. Ainsi, le philosophe espagnol José Ortega y Gasset énonçait-il sa conception singulière du réalisme historique. Né en 1883, mort en 1955, il reste peu connu et peu étudié en France. Son livre le plus célèbre, La révolte des masses, publié en Espagne en 1930, invitait à reconsidérer les fondements du libéralisme politique. Il n'eut qu'un faible retentissement de ce côté-ci des Pyrénées, malgré l'attention que lui porta notamment Raymond Aron. Professeur de métaphysique, philosophe, essayiste, éditeur, Ortega est l'auteur d'une œuvre polymorphe, d'essais et d'articles toujours publiés dans la presse avant d'être édités sous forme de livres. Il tâcha de théoriser la vie publique espagnole, lui qui connut successivement le régime parlementaire de la Restauration monarchique, le directoire du général Primo de Rivera, la Seconde République, la guerre civile qui le conduisit à l'exil entre 1936 et 1946, et enfin la dictature de Franco. En 1984, quelques années avant que ne paraissent en France ses œuvres complètes, Jacques Munier retraçait son parcours pour Une vie, une œuvre. Il donnait la parole à ses proches, amis et biographes, qui tâchaient de faire le portrait d'un homme dont l'ambition première était de penser son présent. José Ortega y Gasset, un spectateur dans l'Europe, une émission diffusée pour la première fois le 15 novembre 1984. Une vie, une œuvre. José Ortega y Gasset, un spectateur dans l'Europe. Une matinée proposée par Jacques Munier et réalisée par Jean-Claude Loiseau. La vida verdadera es inexorablemente invención. Tenemos que inventarnos nuestra propia existencia y a la vez este invento no puede ser caprichoso. El vocablo inventar... Ortega y Gasset, 1930. ...de hallar. Tenemos que hallar, que descubrir la trayectoria necesaria de nuestra vida, que solo entonces será la verdaderamente nuestra. Era preciso enseñarla... La vie est, inexorablement, une invention. Nous devons nous inventer une existence, et cependant, cette invention ne peut être livrée au hasard. Voilà ce que j'ai tenté pour moi-même. J'ai accepté la circonstance de ma nation et de mon temps pour amener mon pays à s'appréhender lui-même. Cette tentative, il fallait la mener là où se trouve l'espagnol, dans la conversation amicale, dans le journal, la conférence. En Espagne, pour persuader, il faut commencer par séduire. En Espagne, pour persuader, es menester antes seducir. Professeur Julián Marías, vous vous définissez vous-même comme un écrivain espagnol et un professeur américain. Je n'ai jamais été professeur officiel, professeur universitaire en Espagne, jusqu'à 1980. Et j'ai fait des conférences, beaucoup de conférences, des cours privés, et j'ai fait des cours aux universités des États-Unis ou à des universités américaines en Espagne quelquefois. Mais cette activité de recherche importante n'a pas entraîné pour vous une reconnaissance publique et en particulier une reconnaissance de l'université pendant toute une période du franquisme. Comment expliquez-vous ce... L'université espagnole ne voulait rien savoir d'Ortega ou ses conséquences intellectuelles. Non, on a éliminé absolument toute trace de l'enseignement d'Ortega. Et alors, la situation n'était pas favorable pour quelqu'un qui, qui s'avouait comme disciple et continuateur d'Ortega était très proche de lui. Justement, vous l'avez connu lorsque vous étiez étudiant. Quelles ont été les circonstances de cette rencontre? Je l'ai connu lorsque j'avais 18 ans. Il était professeur de métaphysique. J'ai assisté à son cours. Et ça a été pour moi une expérience décisive. J'ai trouvé que c'était un homme de génie, un créateur philosophique. Et alors, ma vie a changé à partir du moment où j'ai connu Ortega. Et je suis resté très près de lui pendant longtemps. Nous sommes réellement de très bons amis. Et je crois qu'on ne peut pas comprendre ma pensée sans la référence à Ortega, bien sûr. Mm-hmm. On a dit de lui qu'il était un aristocrate dans la rue, un aristocrate sur la voie publique. Oui, il l'a dit. Il était un journaliste. C'est-à-dire, il écrivait des articles philosophiques dans les journaux. D'ailleurs, c'est une vieille tradition espagnole. À partir du romantisme, à partir de l'art, tous les grands écrivains espagnols ont écrit des articles dans les journaux. Et je crois que c'est énormément important parce qu'il y a des gens qui ne lisent pas les livres, mais qui lisent les journaux. Et il y a des tas de gens qui sont familiarisés avec la pensée la plus haute, avec les écrivains les plus parfaits, les plus compliqués même, parce qu'ils les ont lus dans les journaux. Mais cette définition d'aristocrate sur la voie publique, il disait vous tout... semble correspondre à son personnage réel Oui, il disait toute création est aristocratique, mais il faut être aristocrate dans la place publique. Ortega voulait être intelligible à tous. Il a été le créateur de la langue philosophique espagnole. Il a rendu la langue espagnole un instrument philosophique, je crois, parfait. Je crois qu'Ortega a évité autant que possible le néologisme. Il ne voulait pas inventer des termes techniques, parce qu'il croyait qu'un mot est le contraire d'un terme. Un terme doit être défini, doit être stipulé. C'est une convention. Un mot est justement le contraire. Et nous nous comprenons parce que nous employons des mots qui préexistent à notre usage. Et alors, un mot est quelque chose qui n'est pas inventé par personne et qui existe dans la langue et qui est usé pour dire quelque chose qui est immédiatement intelligible. Seulement, il donnait aux mots toute leur signification. C'est-à-dire, au lieu de l'usage superficiel, banal, qui est fréquent, il voulait extraire des mots la plénitude de leur signification. Alors, ça signifiait une sorte de renouvellement de la signification des mots. Et puis, il employait la métaphore, constamment, comme méthode de découverte et comme façon de nommer des réalités nouvelles. Si vous avez une réalité nouvelle ou un aspect nouveau de la réalité, il n'y a pas de nom. Alors vous devez ou bien inventer un nom, c'est le néologisme, ou bien désigner cette nouvelle réalité d'une façon oblique au moyen de la métaphore. La métaphore suggère l'approche à cette réalité nouvelle. La métaphore fait celui qui l'entend ou la lit regarder dans la direction où l'on peut voir cette nouvelle réalité. Ça a été la méthode d'Ortega. Quand une idée se réfère à un thème très abstrait, comme dans les mathématiques, elle peut pratiquement se passer de l'homme concret qui l'a conçu. Mais les idées qui se réfèrent à d'authentiques réalités sont inséparables de l'homme qui les a pensées. Elles ne se comprennent que si l'on comprend l'homme, que s'il nous importe de savoir qui les dit. Le dire, le logos, n'est rien d'autre que la réaction puissamment déterminée d'une vie individuelle. C'est pour cette raison qu'en toute rigueur, il n'y a d'argument que d'homme à homme. Parce que, inversement, une idée est toujours un peu stupide si celui qui l'a dit ne compte pas sur celui auquel il s'adresse. Tout dire dit quelque chose, cela personne ne l'ignore. Mais en outre, tout dire dit ce quelque chose à quelqu'un. Si le lecteur analyse ce qui a pu lui plaire dans mon œuvre, il comprendra que tout provient de ce que dans mes écrits, je l'introduis autant que possible, que je compte sur lui, que je lui fais sentir combien il m'est présent, combien il m'intéresse dans sa concrète et angoissée et désorientée humanité. L'involution du livre vers le dialogue, tel fut mon propos. Ortega a bénéficié, comme on dit, de l'éducation la plus poussée du point de vue classique, et quant au fond, il avait reçu une instruction religieuse extrêmement poussée, notamment en Andalousie et ensuite au Pays Basque à Deusto, près de Bilbao, mais il a perdu la foi assez tôt, à la fin de son collège, et lorsqu'il partit faire sa licence à Madrid... Alain Guy, professeur de philosophie espagnole à l'Université de Toulouse, qui a organisé le colloque Ortega y Gasset en 1983. Sa licence de philosophie, il a eu contact avec des maîtres qui se réclamaient de l'école krausiste. L'école krausiste, comme chacun sait, c'est une école fondée au XIXe siècle par Sanz del Rio, à l'école d'un Allemand, Krauss, disciple de Hegel, mais disciple fort indépendant. Et cette école était entrée en lutte avec la scolastique. Alors Ortega, nous le voyons donc à sa majorité d'âge, à 21 ans en gros, nous voyons se tourner vers la modernité, nous dirons au sens très large, et abandonner toute idée scolastique en particulier. Et très tôt, élève très brillant, après sa licence, il obtient une bourse pour l'Allemagne, et il part à Marbourg am Lahn, comme vous le savez, dans la Hesse du Nord. Et là, alors, il reçoit pendant 2 ans l'enseignement, c'est en 1905-1906-7, il reçoit l'enseignement de 2 néo-kantiens, 2 disciples de Kant, qui étaient Hermann Cohen et Natorp, 2 israélites extrêmement distingués, qui concevaient le kantisme surtout comme une philosophie des sciences. Ils n'insistaient pas sur le côté moral du kantisme, pas sur la critique de la raison pratique, mais plutôt sur le côté épistémologique. Alors il nous a dit dans sa préface à l'un de ses meilleurs livres, qui est Le thème de notre temps, en 1923, Le thème de nuestro tiempo, il a dit au public qu'il s'était gorgé de kantisme et que comme un jeune vautour, il avait ramené tout cela, cette chair palpitante du kantisme en Espagne, car à ce moment-là, l'Espagne ne connaissait pas tellement... On ne connaissait pas suffisamment le kantisme, quant aux sources tout au moins. Mais revenu en Espagne, donc à partir en gros de 1908-1910, ayant très tôt la chaire de philosophie, on le voit qui au début continue à enseigner un peu dans l'esprit kantien, c'est-à-dire un esprit criticiste, bien entendu, n'est-ce pas, très hostile à tout chosisme, à tout réalisme naïf. Mais assez tôt, dès 1914-1910, une pensée personnelle s'affirme chez lui, et c'est là qu'arrive ce que nous appelons, ce qu'il appelle lui-même, sa doctrine, le ratio-vitalisme, qui est un mixte, je dirais peut-être, de rationalisme complètement repensé, réformé, épuré, et de vitalisme, non pas à la façon de Nietzsche, ni même de celle d'Unamuno, qui lui paraissait l'un et l'autre peut-être trop existentialiste, trop irrationaliste, n'est-ce pas ? Mais un vitalisme, pardon, qui s'incarne après tout dans la situation. J'ai fait mes études à Marbourg, à Leipzig et à Berlin. J'ai étudié à fond, avec frénésie, sans réserve et sans ménager mes efforts. Pendant 3 ans, j'ai été une pure flamme celtibère qui flambait, qui crépitait d'enthousiasme à l'intérieur de l'université allemande. Avec Nicolas Hartmann, avec Paul Schaeffer, avec Heinz Heimsoth, j'ai discuté sur Kant et sur Parménide, souvent en pleine nuit, au cours de promenades sur le chemin enneigé, et qui s'achevait près du passage à niveau alors que passait le monstrueux express de Berlin dont les phares rouges ensanglantaient la neige intacte. Et puis, j'ai continué mon immersion dans la science allemande presque jusqu'à étouffer. Marbourg était le fief du néo-kantisme. On vivait à l'intérieur de la philosophie néo-kantienne comme dans une citadelle assiégée. Qui vive ? Tout le reste était pressenti comme un ennemi mortel. Les positivistes et les psychologues, Fichte, Schelling, Hegel, on les considérait si hostiles qu'on ne les lisait pas. À Marbourg, on ne lisait que Kant. Et préalablement revu par le kantisme, Platon, Descartes et Leibniz. À Marbourg, on n'enseignait pas la philosophie. Il fallait la savoir déjà, l'apporter avec soi depuis la naissance. Il arrivait à ces maîtres néo-kantiens ce qui arrive aux druzes du Liban, qui ne sont pas prosélytes, parce que d'après eux, pour être druze, il faut l'avoir été de toute éternité. Mais justement, ça m'amène à traiter aussi et à revenir un petit peu sur les rapports avec l'Allemagne, et en particulier les rapports d'une part avec Husserl et avec Heidegger, à l'égard duquel aussi, d'ailleurs, il a pris certaines distances. C'est cela. Eh bien, à l'égard de Husserl, étant donné que le rationalisme se veut aussi opposé à la scolastique trop chosiste, trop sensualiste, si vous voulez, et d'autre part, contre l'idéalisme, on ne s'étonne pas qu'il ait reproché à Husserl, tout en reconnaissant son génie, n'est-ce pas, parce qu'il ne s'agit pas de diminuer tout de même ses grandes personnalités. Et tout en reconnaissant son génie, Husserl lui paraît être retombé dans un certain idéalisme, parce que cette conscience pure que cherche Husserl, avec cette réduction phénoménologique, comme il dit lui-même, et même la seconde réduction, s'aboutit d'après Ortega à faire de l'homme une conscience pure, mais comme l'eau pure, c'est une eau sans goût, ça, c'est une eau où il n'y a plus rien, c'est parce qu'elle est dépourvue de vitalité. Or, l'homme, pour Ortega, c'est un homme incarné. C'est un homme en situation, c'est un homme qui vit, qui lutte. La philosophie, pour lui, c'est un effort, il l'a dit, effort natatoire pour surnager au milieu de l'océan des doutes. Et alors Husserl lui paraît, au fond, malgré son désir, retomber dans la vieille ornière qui fait de l'homme une pure conscience, une conscience déréalisée. Et quant à Heidegger, vous savez que c'est peut-être plus loin. Je dois dire qu'en tant qu'homme, ils s'appréciaient mutuellement, et Heidegger a rendu un grand hommage à Ortega. En revanche, il reprochait deux choses surtout à Heidegger, c'est d'une part sa notion d'être. Il trouvait qu'il avait fait une inflation de la notion de sein, n'est-ce pas, d'être, de ser, comme on dit en espagnol, en ce sens que pour Ortega, la notion d'être est une notion qui est apparue chez les Grecs au VIe siècle avant Jésus-Christ, mais c'est un avatar de la philosophie. Pour lui, contre le thomisme et contre Aristote, l'être n'est absolument pas quelque chose de stable. Il pense même, là, on ne peut pas être prophète, il pense même que ça ne se reproduira pas. Alors pour lui, les dieux ayant, en somme, été un peu au VIe siècle, volatilisés en Grèce, les dieux du paganisme, il y a eu un vide, et à la place s'est installée la notion d'être dans un fauteuil vide, qu'on s'est mis un peu à diviniser. Et alors le deuxième reproche, c'est beaucoup plus vif encore à Heidegger et même à l'existentialisme en général, c'est que bien que Ortega admette l'importance évidemment de l'existence, puisque lui-même se définit contre un certain socratisme qui serait un peu désincarné, il ne va tout de même pas, Ortega, jusqu'à, si vous voulez, insister sur des aspects purement, si vous voulez, de déréliction, n'est-ce pas ? Il trouve que Heidegger c'est un peu compromis dans ce qu'il appelle le snobisme de l'épouvante. Je cite ce mot un peu excessif, peut-être. Comme tous les essentialistes, tous les aspects sombres de la vie, n'est-ce pas ? Il dit c'est une philosophie macabre. La mort, bon, eh bien, qu'on la médite, c'est possible. Mais enfin, qu'on s'en complaise à ce point, n'est-ce pas, de centrer là-dessus un peu tout, ça lui paraît vraiment presque pathologique, ça. Et lui propose, Ortega propose une philosophie au contraire de la jovialité. Il a envoyé le mot, c'est pas qu'il vaut ce qu'il vaut, mais enfin, c'est une philosophie plus détendue, plus souriante tout de même, tout en prenant la mesure de l'homme. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait sa fortune, si je puis dire, intellectuelle, en Amérique latine, où ils étaient affamés de concret, n'est-ce pas. Et sans aller jusqu'à l'existentialisme d'Unamuno, qui ne voit, semble-t-il, que cette réalité, n'est-ce pas, de chaque jour, en laissant de côté peut-être parfois le contenu idéal, n'est-ce pas, le contenu métaphysique, il va quand même assez loin. Et alors il a insisté sur sa situation de madrilène qui pense et qui écrit depuis son cabinet de travail face au Guadarrama, la belle montagne qui domine Madrid. Il a insisté sur le fameux logos du Manzanares, du petit fleuve si maigre d'ailleurs, et qui entoure Madrid. Et il pense qu'on ne peut pas se couper de cette circonstance qu'il appelle national et qu'il appelle aussi provincial. Pour lui, un homme n'est lui-même qu'en fonction quand même de, je crois, de sa nation et peut-être de aussi son environnement, son Umwelt, comme diraient les Allemands. C'est là qu'il, d'ailleurs, il retrouve ce qu'il appelle la raison historique. Demander à un Espagnol qu'il renonce, en montant dans un tramway, à diriger un regard de spécialiste sur les femmes qui s'y trouvent, c'est demander l'impossible. Il s'agit là d'une des habitudes les plus enracinées et les plus caractéristiques de notre peuple. Cette façon insistante et presque tactile qu'a l'Espagnol de regarder la femme choque les étrangers et quelques compatriotes. Je suis l'un de ceux-là. Cela me produit une grande répugnance. Et malgré tout, Je crois que cette habitude, une fois supprimée l'insistance, l'arrogance et la tactilité visuelle, est un des traits les plus originaux, beaux et généreux de notre race. Professeur Julia Marias, nous avons apporté la revue d'Occident, le numéro 1 de la Revista d'Occidente, donc, qui est paru en 1923. Et le sommaire est très représentatif de l'action que Ortega y Gasset a menée en faveur de l'ouverture de l'Espagne aux idées européennes. Il y a d'abord un texte de Pío Baroja sur la foire de Marseille. Il y a ensuite un texte d'Ortega y Gasset sur la poésie de Hanan Noailles, un très très beau texte d'ailleurs. Oui. Il y a également un texte de Georg Simmel sur la philosophie de la mode, des chroniques, nouveaux faits, nouvelles idées, et puis des notes critiques de lecture. Ortega a voulu élargir la pensée espagnole, la mettre en contact avec tout ce qui était vraiment créateur dans la pensée européenne ou mondiale. Et sa pensée était très espagnole, mais aucunement provinciale. Absolument. Il était nourri de toute la pensée européenne, allemande, française, anglaise, et naturellement de toute l'histoire de la pensée jusqu'au grec. Et alors il était une sorte d'héritier de la totalité de la culture occidentale. Et il y a un aspect très important. Et pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu une division, peut-être pour la première fois dans l'histoire de l'Europe, il y a eu une division non seulement militaire ou politique, mais culturelle. Il y a eu un mouvement de rejet des autres cultures, de haine entre des pays, qui n'était pas le cas avant. Et Ortega n'a jamais accepté cette attitude. Il désirait le triomphe des alliés pendant la guerre, le triomphe militaire, mais il ne voulait pas renoncer à la culture allemande, ni à l'Allemagne comme réalité nationale. Alors il se refusait toujours à prendre parti pour une partie de l'Europe contre l'autre. Et il a gardé l'héritage complet. Et je crois qu'à la fin de la guerre, les Européens ont trouvé qu'Ortega avait été un peu le gardien de la totalité de l'Europe. Et c'est à cause de cela que les Allemands ont découvert, dans la pensée d'Ortega, et Curtius l'a dit, il disait que le sens, le goût de la philosophie avait été rendu encore aux Allemands qu'il avait perdu par ce Celtibère de l'Escorial, il disait. Donc ses rapports avec les intellectuels européens ont été nombreux. Il y a cependant quelque chose de surprenant à ce qu'il n'ait pas eu davantage de rapport avec les intellectuels français. Si vous me permettez, je crois qu'il y a une tendance à l'imperméabilité chez les intellectuels français. Si vous me permettez. Et en général, ils connaissent tard ce qu'on fait ailleurs. Et lorsqu'ils le connaissent, ils rendent trop francisé ce qui est fait ailleurs. Et quelquefois, ce n'est pas très reconnaissable. Donc, malgré ce petit problème d'imperméabilité, il a eu également donc des rapports très importants les intellectuels de son temps. Et je pense en particulier au rapport qu'il a eu avec Unamuno, qui était donc d'une génération antérieure à la sienne, mais avec lequel il a eu donc une très longue et très, très importante amitié. Oui, ils ont été très amis lorsque Ortega était très très jeune. Et puis ils se sont brouillés un peu pour des raisons intellectuelles, mais au fond, ils ont eu une estimation mutuelle profonde. Et vers la fin de la vie de Unamuno, il allait voir Ortega souvent à la Revista d'Occidente. Et ils ont eu une estimation mutuelle très profonde. Et lorsque Unamuno est mort, il est mort le 31 décembre 1936, Ortega a appris sa mort à Paris, il était à Paris, il a écrit un article à La Nación, à Buenos Aires, un article excellent sur Unamuno. En cette première nuit de l'année 1937, alors que s'achève celle qui fut pour l'Espagne l'année terrible, on m'apprend depuis les bureaux du quotidien La Nación, à Paris, que Unamuno est mort. J'ignore encore quelles sont les circonstances médicales de sa fin, mais quelles qu'elles soient, je suis sûr qu'il est mort du mal d'Espagne. Le lecteur a parfaitement le droit de croire que ceci n'est qu'une phrase, je n'en discuterai pas avec lui, parce que, entre autres raisons, cela m'obligerait à aborder des thèmes sur lesquels je me suis pendant des années imposé le silence. Mais la vérité, c'est que, n'en déplaise au lecteur, ce que j'ai dit n'est pas une simple phrase, mais l'énoncé de réalité épouvantablement concrète. J'ai reçu ici, il y a une paire de semaines, la visite de mon traducteur hollandais, le docteur Brouwer, qui se trouvait à Salamanque ce mois de septembre ou d'octobre. Il me rapporta sa conversation avec Unamuno. Et en l'écoutant, je pensais, Unamuno mourra de ça. Il a inscrit sa mort individuelle dans la mort innombrable qu'est aujourd'hui la vie espagnole. Il a bien fait. Sa trajectoire était accomplie. Il s'est porté au front de 200 000 Espagnols et a émigré avec eux par-delà tout horizon. Tant de compatriotes sont morts ces derniers mois que nous, les survivants, nous ressentons une espèce de honte de ne pas être morts aussi. La Nación, Buenos Aires, le 4 janvier 1937. Me parece objetivamente bien, muy bien, de perlas. Bien lo de que sea. Calle Fortuny au 53, dans une belle et ancienne villa madrilène aux couleurs claires, Madame Soledad Ortegas Potorno dirige la jeune fondation Ortega y Gasset, qui réunit, classe et met à la disposition de la recherche les archives de son père. Ni mejor que nada, el que usted no se sonroje en devolver artículos al lunes del alba. Le lieu donne une idée de l'ampleur de l'activité de Ortega y Gasset, puisque nous nous trouvons dans une pièce qui est complètement tapissée de documents, de petits tiroirs qui contiennent donc des lettres que Ortega y Gasset a reçues, puisque vous n'avez pas réussi à retrouver toutes les lettres donc, qu'il avait envoyées à ses divers correspondants. Et tout ce que j'ai pu retrouver, des lettres que mon père a envoyées aussi. On a trouvé naturellement les lettres de mon père à Unamuno, ils sont à Salamanca, au musée d'Unamuno, et vous voyez toutes les lettres d'Unamuno qui sont ici. Au début, quand mon père était très jeune, en Allemagne, il écrivait beaucoup à Unamuno, il recevait des lettres d'Unamuno. Voilà, et ça c'est une lettre qui est envoyée de l'université de Salamanque. De l'université de Salamanque. Et qui date de C'est peut-être 1906. Au moment où Unamuno a été destitué comme recteur de l'université, oui. Et alors à ce moment, tous les intellectuels espagnols sont... On trouvait que c'était une injustice et mon père s'est offert à diriger la campagne en faveur d'Unamuno parce qu'il l'appelait l'hermano enemigo. Le frère ennemi. Le frère ennemi. Elle commence toute par mi querido amigo. C'est significatif quand même, mon cher ami. Alors que Unamuno était quand même beaucoup plus âgé que lui. Oui, je viens de... Voilà une lettre donc, où il était... Envoyé en Allemagne, oui. C'est ça, et à l'époque, donc, Unamuno, oui. en 1908, oui. Était recteur de l'université. Mon père était encore étudiant en Allemagne à ce moment. Oui, oui. Et, alors... et c'est après, quand il est rentré, qu'il a voulu mobiliser Unamuno, de ce point de vue de l'action, de cette action éducatrice qu'il voulait toujours faire en Espagne, n'est-ce pas? Et Unamuno marche de son côté, alors... C'est pour ça qu'Unamuno a écrit une lettre qui a été publiée, où il parlait des jeunes gens qui se laissaient ébahir par la science européenne et tout ça. Et vous pourriez lire, par exemple, s'il vous plaît, cette lettre? Mi muy querido amigo, el programa que se han trazado para los nuevos lunes, los lunes del imparcial était la seule revue, peut-être ce qui substituait une revue littéraire, des critiques littéraires en ce moment. Et c'était mon grand-père, le père de mon père, Ortega Munilla, qui était écrivain aussi, qui dirigeait Los Lunes de l'Impartial, et qui enfin était l'arbitre plus littéraire en ce moment en Espagne. Porque cada día, amigo Ortega, me siento más llevado a las afirmaciones gratuitas, a las arbitrariedades, que es el método de la pasión, y cada día me arraigo más en mi anarquismo, que es el verdadero. Y así me voy aislando cada vez más. non, etc. etc. C'est toujours la personnalité, oui, très individualiste et très passionnée d'Unamuno, en face de mon père qui était plutôt un homme de raison et qui voulait surtout l'empire de la raison dans notre pays, qui n'était pas facile. La deuxième lettre est également très représentative, c'est une lettre de Curtius. Oui, c'est la première lettre du philologue allemand Curtius, qui justement vient de connaître mon père par l'article qu'il a publié sur Proust dans la Nouvelle Revue Française. Et c'est une lettre qui est également représentative parce qu'elle est datée de 1923 et c'est l'année de la parution du premier numéro de la Revue d'Occident, la Revista d'Occidente. Justement, alors Curtius se montre très intéressé de pouvoir recevoir la Revista d'Occidente. Il vient en parler en ce moment parce qu'il est en train de parler d'une chronique de revue française du moment. Il voudrait publier aussi, introduire dans cette chronique la revue espagnole qui vient de paraître et qui lui paraît enfin d'un grand intérêt, naturellement. Et c'est son ami Max Scheller donc qui lui a envoyé ce numéro. C'est Max Scheller qui lui a envoyé ce numéro ou qui l'a visité à Cologne. Il lui a donné le numéro de la Revista d'Occidente. Et puis après, Curtius et mon père sont devenus de grands amis et des collaborateurs. Et là, je vois une lettre qui est également très importante. Elle est datée du 24 août 1932 et elle est adressée à votre père par l'Union Pan-Européenne. Oui, il avait toujours défendu l'Union Européenne. C'est ça. Surtout au point de vue intellectuel, naturellement, mais dans une réalisation, enfin, politique à la fin. Et alors, le congrès du Congrès de l'Europe qui va être célébré à Bâle, on lui écrit: Monsieur, je vous remercie vivement de votre télégramme informant que vous acceptez d'entrer dans le comité d'honneur et de participer au congrès. Je vous prie donc de prendre la parole à la séance d'inauguration samedi, le 1er octobre, à 10h, sur la nation européenne. Elle est représentative donc de l'intérêt que votre père portait à l'édification de l'Europe. Et aussi, vous avez là une lettre de l'écrivain et penseur historien hollandais, Huizinga, je pense que vous parlez, et Huizinga on dit en Espagne, mais comme je passais quelques jours chez M. Huizinga même, je le prononce à la forme hollandaise. Et alors, M. Huizinga avait envoyé sans doute un article pour la Revista d'Occidente, octobre 1934. Et mon père était tellement soigné qu'il avait repassé l'épreuve lui-même. Et il avait fait sans doute des modifications dont M. Huizinga se montre tout à fait d'accord et très respectueux de ces modifications que l'autre peut-être n'accepterait pas. Mais il était vraiment un charmant monsieur. Et très, très savant, cependant, charmant. Ce qui est intéressant dans cette lettre, c'est qu'elle manifeste le soin que votre père apportait à la lecture des manuscrits qui lui étaient adressés. Et à la publication de la Revista d'Occidente. Et puis si nous avons Jean Barussi, qui avait invité mon père avec d'autres intellectuels français en 37 à Paris, quand nous habitions là à cause de la guerre d'Espagne. Il paraît que mon père avait parlé toute l'après-midi ou toute la soirée, avait parlé tout le temps et il avait écrit à Barussi en lui disant: oh, j'ai peur que j'ai trop parlé, enfin, et mon français n'est pas assez bon pour pouvoir transmettre tout ce que je voudrais dire et tout ça, de la façon dont je peux le dire en espagnol ou même en allemand, qu'il parlait bien. Alors Barussi lui dit que je vous remercie de votre aide, mais permettez-moi de n'être pas de votre avis Pour ce qui concerne vos scrupules relatifs à notre petite réunion du 29 mars. Nous avons tous été profondément heureux de vous entendre exprimer les vues jaillissantes et riches de prolongements sur de multiples et d'importants problèmes et n'avez nulle inquiétude de votre français auquel vous donnez votre marque. Mais il prenait part à des réunions d'intellectuels et de... Il prenait part à ces moments à Paris, pas très extensivement parce qu'il a été très malade aussi. Il a passé une année de maladie très très grave. Il a été opéré à Paris Et puis nous sommes partis pour Buenos Aires. En 1939, avant que la guerre éclate. La guerre a éclaté quand, justement, le jour où nous avons démarqué à Buenos Aires. Leibniz. Lo no dado será como lo dado, formalismo. El utopismo como inercia del pensar. Dans cette pièce donc, où sont rassemblées toutes les archives concernant Ortega y Gasset, c'est-à-dire la correspondance. La correspondance, les notes et les manuscrits déjà enfin développés pour envoyer à pour faire imprimer, n'est-ce pas? Voilà. Se trouvent également donc des notes de lecture qu'il a rédigées. Des notes de lecture, de notes de travail. Voilà. Qui sont toutes à peu près identiques, d'ailleurs. C'est à peu près identique. Très tôt dans sa vie, il a fait faire cette espèce de fiche qu'il n'avait pas toujours avec lui et qui ne ressemble pas, comme vous voyez, aux fiches d'ordinaire de gens qui travaillent, enfin, intellectuellement ou scientifiquement. Comment travaillait-il? Il travaillait toujours avec beaucoup de livres, des papiers. Et comme il n'était pas ordonné, il arrivait à remplir toutes les tables. Il ne pouvait plus travailler parce qu'il n'y avait pas de place. Alors, presque toute son œuvre a été écrite à table de la salle à manger. Même à Paris, il faisait la même chose. Nous avions un appartement à la rue Gros, au coin de la rue La Fontaine, qui est le même, et la maison restait la même. Et les mêmes numéros, ce qui est merveilleux de Paris, parce qu'en Espagne, à Madrid, on change toujours le numéro, le nom de rue, le 43 de la rue Gros, et toujours le même. Et là, à la salle à manger aussi, il travaillait. Parce qu'il était obligé, comme on devait manger, il était obligé d'enlever les livres, les papiers, il trouvait toujours la table livre, ce qui était pour lui merveilleux. Et parfois, quand j'étais déjà un peu grande, j'essayais de me tromper d'ordre, mais c'était presque impossible. Il me disait toujours, il riait, il me disait « tu as l'ordre géométrique et moi j'ai l'ordre vital ». Et il trouvait toutes les choses, lui, mais après sa mort, naturellement, l'ordre vital disparaît avec la vie. Alors il a fallu l'organiser comme ça, enfin il a fallu archiver, qui est une façon de tuer, n'est-ce pas? L'archive est toujours la morte, mais enfin. Mais c'est la seule façon de le faire revivre dans une... pour ses disciples, pour les gens qui viennent travailler avec tout ce qui regarde avec ses notes, parce que sa vie a été trop courte. Il est mort à 72 ans, et en pleine production intellectuelle, et a été trop courte pour les possibilités qu'il avait en dedans de lui. Alors, il y a tellement de chemins marqués dans ses notes, enfin, des choses par lesquelles on peut suivre, n'est-ce pas? Esencia, existencia, esencia. Esencia y posibles, espacio y tiempo, el espacio abstracto, diríamos espaciosidad. Les gens frivoles pensent que le progrès humain consiste en une augmentation quantitative des choses et des idées. Non, non. Le progrès véritable, c'est l'intensité croissante avec laquelle nous percevons une demi-douzaine de mystères cardinaux qui, dans la pénombre de l'histoire, battent avec convulsion comme d'éternels cœurs. Chaque siècle en arrivant apporte une sensibilité propre à quelques-uns de ces grands problèmes, laissant les autres dans l'oubli ou s'approchant d'eux lourdement. En se confrontant à eux et en essayant son interprétation, chaque époque déclare les dispositions ultimes et la contexture radicale de son âme. Et en choisissant un thème, en suivant les variations qu'il a subies dans l'histoire, Nous voyons se dessiner la physionomie morale des âges qui viennent et passent vertigineusement avec une vertu qui leur donne vie et une limite qui les achève comme une lance portée au flanc. Alain Guy. Cette nouvelle conception des valeurs s'inscrit dans le schéma général de l'allure philosophique d'Ortega, qui est en somme le suivant, c'était qu'en fonction de la crise moderne, car il parle constamment, il a fait un livre qui s'appelle « Le schéma des crises » d'ailleurs, il parle constamment de cette crise énorme, n'est-ce pas, des valeurs, il pense qu'il y a des époques où les idées en cours, les idées en place dans les milieux dirigeants des diverses sociétés ont fait leur temps. Et alors, il y a comme un découragement, il y a comme une usure, une lassitude. Alors, dans les peuples, finalement, les croyances en place, qu'on pourrait appeler d'anciennes idées qui sont devenues un peu dogmatiques, elles se sont tellement sclérosées qu'il faut faire place à d'autres. Et donc, pour lui, les nouvelles valeurs seront des valeurs qui tiendront compte, évidemment, de Kant, bien sûr, mais ce sera une culture beaucoup plus soucieuse, n'est-ce pas, de l'incarnation quotidienne et de l'histoire, et tellement que sa raison vitale, la raison vitale, comme il dit, devient, à partir de 1930, semble-t-il, une raison historica, une raison historique. Car il pense qu'il y a des situations dans la vie qui ne se répéteront jamais. Il est tout à fait centré sur l'idée de progrès à cet égard. Lui cherche ses fondements dans l'histoire elle-même. C'est pour ça que pour Hegel, non pas prononcer le nom de Hegel, et il faut tout de même y arriver, ce grand nom, il pense que pour Hegel, l'histoire a sa philosophie en dehors d'elle, dans des a priori, qui sont d'ailleurs très séduisants, l'idée en gestation dans le monde, tout ça est très bien, mais d'après Ortega, il vaudrait mieux tirer l'histoire, plutôt tirer des leçons de l'histoire en les cherchant d'une façon immanente. Ceci est assez complexe. D'après Anselm Ortega, il y a, vous voyez, une vision non pas aplatie, mais tout de même très immanentiste. L'histoire par elle-même ne peut pas de prophétique. On ne peut pas dire, par exemple, que l'histoire va forcément, comme disait Michelet, vers la liberté, ou vers le triomphe de la classe ouvrière, ou vers le triomphe d'une nation sur une autre. C'est pas. Il serait plutôt là-dessus comme Toynbee, avec des cycles. D'ailleurs, il a écrit un très beau livre sur Toynbee. Et c'est ce qui explique certainement, d'ailleurs, son intervention constante dans la vie publique de l'Espagne de son temps. Absolument, aux divers niveaux, n'est-ce pas? Parce que, avant même d'être député, il avait un très grand rôle. On attendait ses réactions, notamment au moment de la guerre de 14-18. Où tout de même il a pris parti assez tôt pour les Alliés, à peu près comme Unamuno. Unamuno peut-être plus vivement, car Unamuno était un esprit très violent, alors que Ortega était un esprit beaucoup plus équilibré, à mon sens, et beaucoup plus étendu. Et alors, à tout instant, on peut bien dire qu'il a été une vigie, lui aussi, de son pays à cet égard, n'est-ce pas? Puisque les destinées de l'Espagne ont voulu qu'elle se trouve absente des douleurs de la guerre, il est juste qu'elle s'avance pour exprimer une généreuse allégresse à l'occasion de la fin de ces douleurs étrangères. Mais ces douleurs sont-elles étrangères? Est-il vrai que les angoisses atroces, que les gigantesques sacrifices de ces quatre fabuleuses années soient passés sous les yeux des Espagnols comme des événements étrangers? Je crois, messieurs, que nous avons le droit de dire non, et qu'il serait injuste de confondre les difficultés, les entraves, les erreurs de la politique, avec l'état véritable de notre sensibilité. Non, messieurs, l'histoire qui décrit non pas les faits extérieurs, mais la secrète fermentation des cœurs, démontrera avec le temps que les nerfs d'Espagne ont participé à cette guerre plus qu'à aucune autre, et que dans ses profondeurs, l'Espagne a été ébranlée par ces scènes lointaines. Les années qui viennent le démontreront. Comme les autres nations, chacune à sa façon, l'Espagne s'est sentie intérieurement travaillée par la grande tourmente universelle. Mais maintenant, la tourmente est passée. Et il ne reste qu'une odeur fertile de terre humide qui annonce de prodigieuses germinations. C'est l'heure de la paix, messieurs. Cela veut dire que c'est l'heure de la jubilation, de l'applaudissement et du pardon. Parce que jusqu'à présent, messieurs, la paix n'était que la cessation de la guerre. Elle signifiait, à proprement parler, quelque chose de négatif, le geste de fatigue que fait le guerrier épuisé. Mais maintenant, la paix est quelque chose d'humainement positif et sûr. C'est l'instauration d'un nouveau mode fécond de convivance entre les hommes. Et cette paix, ce sont ces peuples, avec leurs douleurs, qui nous l'ont apportée. Mais l'heure requiert aussi un mouvement de généreux respect envers les vaincus. Pour cette race qui, battue, fut la première à accepter l'idéal de ceux qui l'ont vaincu. Discours prononcé au Palace Hotel de Madrid le 18 novembre 1918. Professeur Julián Marías, vous avez donc très bien connu Ortega y Gasset. Quelle fut son attitude pendant les années de la guerre ? Ortega s'était retiré de l'activité politique un peu avant. Et il n'a eu une intervention politique active qu'au moment de la République. La veille de la République, il avait fondé une agrupation au service de la République avec le docteur Marañón, le grand médecin et historien espagnol, et le romancier Ramón Pérez de Ayala, qui étaient des amis très proches de lui. Et puis il a été député aux Cortes constituyentes de 31 à 33. Mais après, il n'a rien écrit sur des questions politiques. Il a écrit deux articles à la fin de 33 seulement. Et il n'a plus voulu écrire sur des problèmes politiques. Il a fait seulement ses cours à l'université. De 34 à 36, il était énormément préoccupé. Au moment de l'insurrection socialiste aux Asturies, en octobre 34, il a été littéralement malade d'angoisse, parce qu'il croyait que c'était la perte de la démocratie et de la liberté. Et puis, lorsque la guerre a éclaté, il était très malade à ce moment-là. Et il a parti le mois suivant, au mois d'août, il est parti pour la France. Et il est resté en exil pendant 9 ans, jusqu'à l'automne de 1945. Et il n'a pas voulu écrire. Et même, il évitait d'écrire des lettres. Il disait qu'en dans une situation comme celle-là, on confondait tout. Et tout était mal interprété. Et alors, au lieu d'éclaircir les questions, on ajoutait à la confusion. Il était contre les deux belligérants, bien sûr. Il a trouvé que la guerre était un désastre, que la liberté était perdue en tout cas. Déclaration du groupement au service de la République. Dans les mois, nous dirions presque dans les semaines qui viennent, les Espagnols ont à assumer, qu'ils le veuillent ou non, la responsabilité d'une de ces grandes décisions collectives par lesquelles les peuples déterminent d'une façon irrévocable leur propre futur. Cette conviction nous contraint à nous adresser aujourd'hui à nos concitoyens, en particulier à ceux d'entre eux qui se consacrent à des professions proches des nôtres. Nous n'avons jamais été des hommes politiques. Nous avons attendu en vain leur appel. Et comme la circonstance n'autorise ni les atermoiements ni l'évasive, nous nous trouvons dans l'obligation de le faire nous-mêmes sans méconnaître nos limites. Il ne s'agit pas de former un parti. Nous nous proposons de susciter un très ample groupement au service de la République dont les efforts tendront vers les objectifs suivants. Premièrement, mobiliser tous les intellectuels espagnols pour qu'ils forment un copieux contingent de propagandistes et de défenseurs de la République espagnole. Deuxièmement, par cet organisme de progrès bien discipliné et étendu à toute l'Espagne, mobiliser l'ensemble de la nation en exaltant la grande promesse historique qu'est la République espagnole. Gregorio Marañón, José Ortega y Gasset, Ramón Pérez de Ayala, le 10 février 1931. Sa position est sans équivoque. Il est très certain qu'un libéral ne pouvait pas accepter un régime autoritaire de l'ordre de celui du genre de celui de Franco, étant donné en plus que Ortega avait dénoncé 2 ans avant le nazisme. Alain Guy. Donc, sous ce côté-là, aucun équivoque. Mais il n'est pas vrai que, dans certains milieux, on aurait peut-être aimé, là-dessus, une insertion beaucoup plus grande, comme par exemple celle de ses disciples, car à peu près immanquablement, sauf deux ou trois exceptions, ses disciples ont quand même été plutôt du côté républicain. Toutefois, il ne faut pas cacher que, par exemple, Leinenthal, le recteur d'ailleurs de Madrid, qui est maintenant à la retraite, est une très grande personnalité, était au début chemise bleue, a évolué après vers le libéralisme, de même Diaz del Corral, n'est-ce pas ? Il y a eu quand même aussi une petite minorité ortéguienne, tellement son rayonnement était grand, parce que ceux-là ont voulu du dedans, comment dirais-je, améliorer ce régime autoritaire en le faisant évoluer vers un certain libéralisme. Et d'ailleurs, ça a éclaté tellement qu'ils ont été remerciés par le gouvernement ensuite, voyez-vous. Et alors après, on le voit partir en Amérique, n'est-ce pas ? Mais après un séjour de quand même près d'un an à la Paris, à la Sorbonne, il avait fréquenté Breillet, il avait fréquenté des gens comme Paul Vigneault, qui était aux hautes études, n'est-ce pas ? Il avait vu tout le milieu de la revue Esprit, voyez-vous. C'était en somme, bien qu'il ne fût pas tellement chrétien, puisque lui, jusqu'au dernier jour, semble-t-il, est resté agnostique, il avait beaucoup de sympathie aussi dans ces milieux-là, surtout du point de vue politique. Mais sa position, malgré tout, un petit peu en retrait par rapport au conflit, tranche assez nettement avec celle de quelqu'un comme Unamuno, par exemple. Exactement, exactement. Oui, oui, évidemment, Unamuno est mort dès, vous le savez, la fin de 36, les derniers jours de 36, mais il était assigné à résidence, n'est-ce pas, vous le savez, à Salamanque, et était destitué, n'est-ce pas, par le franquisme pour avoir dit que peut-être le franquisme vaincrait au bout de plusieurs années, mais qu'il ne convaincrait pas. Non basta vencer, hay que convencer. Mais il est sûr que Ortega a été partagé, non pas partagé, mais crucifié par ce conflit. Songez que des hommes de valeur tombaient dans les deux camps, enfin, certains d'ailleurs mobilisés, car il y a eu la commande 14, les deux camps ont mobilisé des intellectuels. C'est pas comme l'Allemagne de 14 qui avait mis à l'écart ses grands musiciens, ses grands artistes, ses grands intellectuels. Enfin, alors, il y avait ce facteur humain, et ce qui, il a beaucoup hésité avant de rentrer en Espagne, il a pris beaucoup de conseils, mais ça lui a été très difficile. Il n'a pas voulu faire la visite à Franco qu'on lui avait suggéré de faire, et alors du coup il a tout de suite été considéré, avec raison, comme quelqu'un de marginal à l'égard du régime. Ah, on voit très bien, n'est-ce pas, c'est une position extrêmement nuancée. Moi je ne la juge pas, n'étant pas politologue, n'est-ce pas, mais je pense qu'elle a été loyale précisément parce qu'il n'a pas fait là-dessus de démagogie, si vous voulez. Il aurait pu porter son cœur en bandoulière, comme on a dit, et il faisait des déclarations mesurées, mais évidemment il n'est pas reparti comme avait fait Bergamine, par exemple. Il n'est pas reparti en Amérique, voyez-vous, ce qu'il aurait pu faire peut-être. Juvenil y sin memoria que quisiera dar a sus soluciones. Europa tiene que aprender en la historia, no hallando en ella una norma de lo que puede hacer. La historia no prevé el futuro, sino que tiene que aprender a evitar lo que no hay que hacer. Il est un grand orateur, très simple, mais très, très, très exact et très agréable, même le son de la voix, parce que les choses qu'il a enregistrées de lui, ce n'est pas sa voix. Et c'était un moment qu'il n'avait pas de technique très bon, vous comprenez? Alors les gens qui entendent ça, ce n'est pas sa voix. Refrescándolo, él vuelve siempre contra nosotros y acaba por estrangularlos. Esta es mi fe, este es mi entusiasmo por la. Et si vous deviez le définir, définir le souvenir qu'il vous a laissé, quel trait plus particulier que... Ah, c'est la clarté, toujours la bonté, l'honnêteté de toute façon, l'honnêteté comme père, comme citoyen. Jamais à mon père l'ont payé un voyage, jamais coûté un centime à l'État. Docteur Miguel Ortega Spotorno. Sa philosophie et la raison vitale, il y a aussi une face morale, énormément morale du point de vue d'honnêteté de l'être, vous comprenez? Pour lui, la tête plus claire du monde était Descartes. Et quels étaient ses rapports avec la France et éventuellement avec... Avec la France, il avait beaucoup de rapports, il aimait énormément toute la façon d'être de l'intellectuel français. Il avait trois voitures qui étaient françaises égales. C'était la Georgiade, la Talbot et la Ballot. Des litres soupape en tête. Et elle marchait très bien. Elle était La Sorcillade a gagné un grand prix. Il faisait à ce moment 140. Et c'est avec cette voiture qu'il est allé en France. Et alors, il conduisait très bien. Alors, nous sommes allés, Paul Valéry était avec nous. Alors, nous avons fait le voyage, mon père, Paul Valéry et moi, jusqu'à Arcachon. Vous avez un des souvenirs, des thèmes non, de la conversation? Non, thèmes non, parce que naturellement la voiture est ouverte et la conversation, vous n'entendez pas parce que c'était l'air. C'était l'air, vous comprenez? Ouais. Parce que aller, par exemple, la montée du Rhin, passer par Saint-Jean-de-Luz, après passer par Bayonne, après continuer à Dax et continuer jusqu'à Mimisan et Arcachon, tu sais, c'était le vent. Il avait une grande admiration par Paul Valéry. Par Paul Valéry, oui. Il disait toujours qu'il était le grand mandarin des lettres françaises. Et il a été en exil quand nous sommes sortis d'Espagne. Nous sommes allés, pas un sou, et nous sommes allés à une petite pension qui était bien, très bon marché, à côté de Grenoble, à La Tronche. Et alors, deux jours après, il est venu nous voir, un philosophe français qui était disciple de Bergson, qui s'appelait Jacques Chevalier. Et Jacques Chevalier s'est fait très ami de mon père, il venait toujours à prendre le petit déjeuner avec lui. Vous savez s'il a rencontré Jean Paulhan ? Je ne crois pas. Je ne crois pas, parce qu'il ne voulait pas voir beaucoup de monde pour ne parler pas de la guerre civile espagnole. Vous comprenez qu'il ne voulait pas dire aucune chose. Pour ça, il avait écrit un article qui s'appelait « Le silence, grand brahman ». C'est un article de mon père. Il y a des moments qu'il faut être dans le silence. En Torrejón de Ardoz, se procede à la exhumation de los cadáveres de las víctimas del terror rojo y del ateísmo soviético, inmoladas bárbaramente por pelotones de asesinos y asalariados de Moscú. La elocuencia del documento fotográfico permite darnos una dolorosa pero necesaria y aleccionadora idea de cuáles eran los ideales y los procedimientos de los intelectuales y otras cuadrillas del llamado Frente Popular. Una vez llegados al lugar fatídico de su martirio, son depositados en la tierra, glorificada con su sangre, donde se unen a las demás víctimas de la incultura y del resentimiento. Y amargura. Frenéticamente fijo en José Antonio, con la ilusión y la esperanza y la fe, puesta en el caudillo generalísimo Franco. Decid conmigo, el primer mártir de esta revolución, José Calvo Sotelo. Por el sentido militar y castense de este movimiento, José Sanjurjo. Emilio Mola Mirar. Por el futuro nacional sindicalista de este movimiento, Onésimo Redondo. Julio Ruiz de Alda. Caídos por España. Maintenant, alors, vous savez qu'il y a eu ensuite même, il faut le dire, à cette époque difficile de 36 et jusqu'à 45, il y a eu une utilisation partielle, très partielle d'ailleurs, dans certains milieux, notamment des milieux de nazisme, il faut le dire, et on m'a raconté que dans certains camps de prisonniers, il y avait eu, en Allemagne, dans les Oflag, certaines pressions pour faire lire Ortega en français, bien sûr, et interpréter de la façon que vous devinez, qui était complètement travestie et qui a été toujours désavouée par Ortega, bien entendu. Mais enfin, il faut le citer parce que ça avait fait tout de même là-dessus un certain malaise. La révolte des masses, au point de vue sociologique, qui est une grande date de 1930, a été traduite par Parot dès 1937. Vous savez que le nerf de l'affaire, c'est la distinction entre les élites et les masses. Ça, vous me direz que c'est banal, mais chez lui, ça prend un lien spécial. L'élite n'étant pas du tout une élite d'argent, n'étant pas non plus une élite purement intellectuelle, les élites, pour lui, les minorias, c'est l'ensemble des personnes qui, pour leur nation ou pour leur classe sociale, ont certainement une vocation, n'est-ce pas, au-dessus de la moyenne. Et alors ces personnes proposent un idéal aux masses. Pendant longtemps, car c'est une vision historique qu'il a, sociologique, pendant longtemps dans le passé de l'histoire, les masses étaient relativement dociles à certaines élites. Ensuite, il y a eu des crises, il y en a toujours à chaque fois, d'ailleurs, après une période de temps qui pourrait se chiffrer par décennies. Et alors, on passe à de nouvelles valeurs et à de nouvelles élites. Mais alors, le point important, à mon avis, dans ce livre, La révolte des masses, La rébellion de las masas, c'est que pour Ortega, il y a une crise moderne, d'ailleurs depuis, pour lui, plus d'un siècle et demi en Espagne et un peu partout aussi dans le monde, qui consiste en ce que les masses, pour une raison qu'ils n'expliquent pas tellement d'ailleurs, et ils constatent le fait, se sont rebellées à l'égard de toutes les valeurs que pouvaient proposer les diverses élites, n'est-ce pas, qui n'étaient pas des élites, je répète, aristocratiques, ni de classe, ni rien. Et alors finalement, on a l'homme-masse, il appelle l'homme-masse un homme plutôt vulgaire, ce n'est pas du tout le prolétaire, ni ouvrier, ni paysan, c'est pas ça du tout, ce serait la même différence que fait Marx, par exemple, entre le prolétariat autant et valeureux et vaillant, et puis le prolétariat copiant, le lumpen prolétariat. Alors là, l'homme masse, c'est un peu lumpen prolétariat, si on peut dire, c'est-à-dire l'homme qui se laisse vivre, l'homme qui est avide simplement de jouissance à ses terre-terre, l'homme qui récuse tout idéal, qui refuse toute idée au-dessus du vouloir vivre habituel et courant, n'est-ce pas ? La médiocrité fait homme. Le gentleman, par opposition au bodhisattva, veut vivre avec intensité dans ce monde et être le plus individuel possible, se centrer sur lui-même et se nourrir d'une sensation d'indépendance face à tout. C'est pourquoi cet homme, qui aspire à faire de l'existence un jeu et un sport, est le contraire d'un rêveur. Précisément parce qu'il le veut, il sait que la vie est dure, sérieuse et difficile. Il s'occupera donc à fond de s'assurer ce pouvoir sur la circonstance, pouvoir sur la matière et sur les hommes. Un autre grand profil historique s'apparente par certains traits au gentleman et nonobstant, il porte en soi la contradiction de fleurir en terre de pauvreté. Je pense à l'Hidalgo. Sa différence la plus importante avec le gentleman consiste en ce que l'Hidalgo ne travaille pas. Réduit à l'extrême ses nécessités matérielles et en conséquence ne crée pas de technique. Il vit logé dans la misère comme ces plantes du désert qui savent végéter sans humidité. Mais il n'en demeure pas moins qu'il sut donner à ces terribles conditions d'existence une apparence digne. À travers la dimension de dignité, il s'enlace avec le gentleman, son frère plus fortuné. En flânant au musée du Prado, sous la pâle lumière blanche qui se répand des vitrages, je me suis arrêté d'aventure devant Los Borrachos, les ivrognes de Velázquez. Solution esthétique à ce problème tragicomique, le vin. Ana Lucas, nous sommes ici dans la salle Velázquez du musée du Prado. Je vais vous présenter pour que les auditeurs sachent que vous êtes professeur d'esthétique à l'Université de Madrid et que vous avez travaillé entre autres sur Ortega y Gasset, oui, mais également sur l'école de Francfort. Alors, nous sommes ici en face donc de la grande toile des Borrachos, qui représente donc Bacchus, le dieu Bacchus. Et en quels termes donc Ortega y Gasset a-t-il analysé cette œuvre ? Le tableau que vous m'indiquez, vraiment, ça a été un tableau très important pour Ortega. Et il a très bien su voir que c'était un tableau aussi important pour Velázquez. C'est étonnant, et Ortega le remarque, comment Velázquez ici en sort de toute une tradition de la peinture italienne, de toute la peinture qui avait repris le message de la peinture mythologique comme un grand sujet. Velázquez, par le contraire, au lieu de trouver peindre les grands thèmes de la mythologie grecque, au lieu de faire ça, trivialise beaucoup le sujet en rapport de donner beaucoup plus d'importance au sujet réel. Alors lui, nous voyons ici vraiment un jeune homme avec la vigne, non, les feuilles de la vigne. On dirait que c'est Bacchus. Et vraiment, ce que nous voyons, c'est un jeune homme de la vie. Velázquez, et cela a très bien su le voir Ortega, prend pour ses sujets, pour ses protagonistes, les gens du peuple. Et des gens très. Alors il fait une peinture très réaliste, très naturelle, très naturaliste. Très influencé d'un côté de la peinture de Caravaggio, parce que aussi nous voyons que ce collectif de personnes-là sont des gens du peuple, mais nous voyons qu'ils sont illuminés par une lumière naturelle. Cela, c'est très de Caravaggio. Velázquez, ce que fait ici, c'est peindre les gens du peuple. Et au lieu de voir des dieux, nous sommes en train de voir des gens totalement ivrognes. Nous voyons la couleur des joues, des gens qui ont beaucoup bu, non ? Et surtout, c'est important, c'est qu'il y a, il met aucune attention au fond. Le fond, c'est plan, il n'y a pas même perspective, c'est toujours le sujet qui s'impose, parce que lui, il aime surtout passer de la laideté des gens à la réalité de la peinture. Alors, si vous voulez, on peut descendre voir les Méninas. Je trouve que c'est une des chefs-d'œuvre, et d'ailleurs, Ortega a beaucoup en parlé de ce tableau-là. Allons-y. Merci. Le Titien et Poussin sont chacun à leur manière des tempéraments religieux. Ils sentent ce que Goethe sentait, la dévotion envers la nature. Velázquez est un géant athée, un colossal impie. Avec son pinceau, il jette les dieux comme un coup de balai. Dans sa bacchanale, non seulement il n'y a pas Bacchus, mais il y a même un vaurien représentant Bacchus. C'est notre peintre. Il a préparé le chemin pour notre époque, exempte de dieux. Époque administrative où, au lieu de Dionysos, nous parlons d'alcoolisme. Ana Lucas, nous nous trouvons ici en face du célèbre tableau de Velázquez, donc les Ménines. Qu'est-ce qui a retenu plus particulièrement l'attention de Ortega dans son analyse de ce tableau ? Oui, ce qui a retenu beaucoup plus l'attention d'Ortega, c'est de voir, et très lucidement d'ailleurs, que le grand sujet de ce tableau, c'est la lumière. Et surtout aussi, il soulève une chose très importante. Ce que Ortega raconte, comme les contemporains de Velázquez, reconnaissaient que le palais était un endroit très ennuyeux, très embêtant. La seule pièce qui était vraiment amusante, c'était l'atelier de Velázquez. Alors c'est à cause de ça que l'atelier de Velázquez était constamment visité par les bouffons, les dames de la cour. Il était toujours rempli de gens. Ortega alors raconte très bien, et je suis très d'accord avec lui, que ce tableau a comme sujet une des scènes quotidiennes de la vie du palais. Mais l'important, c'est que Velázquez a su prendre comme sujet la même quotidiennité. C'est ça l'important. Et si vous voyez, il y a un premier plan où c'est le sujet avec l'infante Marguerite et les dames de la cour, les demoiselles, le chien, très lumineux. Au fond, nous avons un très au fond, un plan très lumineux aussi. Mais il y a juste à la moitié un plan très obscur qui toujours a donné à la peinture de Velázquez beaucoup de mélancolie, de tristesse et a rafforti l'impression du réalisme que Velázquez voulait mettre à sa peinture. Cela le remarque très bien Ortega. D'ailleurs, c'est à partir d'Ortega que la plupart des historiens de l'art donnent importance à cette théorie de la lumière et de l'atmosphère de Velázquez, grâce à ces trois plans que Ortega a très bien su voir. Et lui, il rigolait en disant que vraiment lui était philosophe, il n'était pas historien de l'art, mais que c'était facile d'en regarder. Toujours il parlait qu'il était un spectateur de la peinture, qu'il ne connaissait pas, mais je pense qu'il le disait d'une façon narcissiste, quoi, parce que lui était un homme très cultivé, qui savait beaucoup, il avait beaucoup lu, et j'en pense qu'il a fait de la théorie sur la peinture de Velázquez très tard. Mais quand il a fait, et d'ailleurs il a fait par une chose très anecdotique et très, très sympa, c'est qu'une des revues suisses, Iris Verlag, lui a commandé en faire un article sur Velázquez. Alors à ce moment-là, Ortega a habité Lisboa et il n'avait avec lui aucun bouquin de Velázquez. C'est grâce à un musée des fenêtres vertes qu'il a pu trouver des bouquins et à un ami à lui qui l'a envoyé de Madrid des livres. Et grâce à ça, il a pu commencer à travailler sur Velázquez. Mais à ce moment-là, il a conçu l'idée de faire un grand livre sur Velázquez. C'est à cause de cette anecdote. Les thèmes originaux de Goya ne commencent à apparaître qu'une fois passé la première moitié de sa longue vie, vers 1793. Ceci est un fait de toute première importance pour la compréhension de Goya. Les aspects ultimes de son œuvre, ceux qui sont les plus accusés et les plus riches ou encore les plus extravagants, inversant le cours naturel du temps, refluent de sa vieillesse vers sa jeunesse et inondent toute la biographie de cet autre Goya, antérieur, qui s'est traîné dans l'existence pendant 40 ans. Il est certain que Goya était, pour lui, il allait méditer, il le dit d'ailleurs dans son ouvrage, il allait voir les tableaux qui sont dans une salle du Prado de Madrid qui s'appelle Tableau de la Quinta del Sordo. André Manceau, professeur à l'Université de Toulouse. Mais Goya non plus n'était pas le génie fou et Ortega l'a très bien senti. C'est sous l'effet de la maladie et d'un certain pessimisme qu'il écrit cela. Mais il ne fait pas une psychocritique de Goya. Il contemple, il regarde le Chronos, il regarde ses vieux, il regarde ses sorcières et il cherche le génie de l'artiste qui lui a permis, à travers le fantastique, de saisir le côté sombre et noir de l'existence. Et il y a peut-être un certain pessimisme chez Ortega qui est lié aux événements qu'il avait traversés lorsqu'il parle de Goya et qui fait que Goya reste pour lui le témoin du XVIIIe siècle, mais le témoin d'un XVIIIe siècle qui est en mutation, et il a vécu son époque, le XXe siècle, comme une période de mutation. Et lorsqu'il parle, par exemple, des interdictions qui ont été faites des courses de taureaux, eh bien, il y a peut-être là un appel à la censure. Lui était peut-être censuré ou se censurer volontairement et donner des cours sur l'art au lieu de parler de philosophie comme il l'avait fait bien avant, puisque la déshumanisation de l'art est de 1925 et que Goya est écrit en 47, 50, enfin est publié à titre posthume, mais a été fait à l'époque où il revient à Madrid et où, sans être directement censuré, il devait tout de même faire attention à ses propos et cet appel justement qu'il fait à la censure que subissait le peuple espagnol, qu'on voulait priver de taureaux pour le moderniser, et peut-être un rappel du fait que la censure existe en Espagne et que certaines manifestations de l'art ne sont pas permises aujourd'hui. Pour lui, la tauromachie, c'est la mort de Pepe Illo. Justement, il est très frappé par cette représentation de la mort du torero. Et si on compare ce que les autres artistes de l'époque faisaient sur la tauromachie et les dessins, les affiches de corrida de l'époque, ce que Goya fait justement de la mort de Pepe Illo, il a très bien senti à la fois le sens dramatique de Goya et ce qui était différent chez Goya au point de vue à la fois art pictural et sentiment dramatique, sentiment tragique de l'existence. La première composante de l'intuition tauromachique n'est pas géométrique mais psychologique. C'est la compréhension du taureau. J'appelle compréhension du taureau le fait de comprendre quelle est sa condition générique de taureau. Il est clair que le taureau est l'animal qui charge. Le comprendre, c'est comprendre sa façon de charger. Pour le taureau, la furie n'est pas un état anormal, mais sa condition la plus constitutive dans la mesure où il parvient au plus haut degré de ses potentialités vitales, et parmi elles, la vision. Le taureau est un professionnel de la furie, et sa charge, loin d'être aveugle, se dirige avec clairvoyance vers l'objet qui la provoque, avec une telle acuité qu'il réagit à ses moindres mouvements et déplacements. Sa furie est donc une furie dirigée, et c'est parce qu'elle est dirigée chez le taureau qu'elle peut être dirigée par le torero. Bien toré, c'est donc faire en sorte que rien ne soit gaspillé de la charge de l'animal, et que le torero l'absorbe et la gouverne intégralement. J'ai été un membre de la tertulia après la rentrée d'Ortega en 1945. Et c'était, il y avait une sorte de familiarité. Nous parlions tous. Ortega n'exerçait pas de dictature, on peut dire, mais il était un peu le centre de la tertulia. Et quels étaient les thèmes évoqués? On parlait de tout. Et on parlait des choses du moment, des choses personnelles. On commentait un livre, on parlait de politique, ou de littérature. Et le climat était quelque chose de, je dirais, de précieux. J'ai une nostalgie de cette tertulia, qui a été quelque chose de merveilleux. Parce que la tradition espagnole est de dire les choses, surtout lorsqu'on est avec des amis. Personne en Espagne ne garde pas les idées ou les formules littéraires réussies ou heureuses pour les publier. On le gaspille, on le dit avec des amis. C'est toute la richesse de cette institution de la tertulia qui est un peu en crise maintenant. Professeur Julián Marías, il y a une étape très importante de la vie d'Ortega y Gasset dans laquelle vous intervenez. C'est la création de l'Instituto de Humanidades, l'Institut d'Humanité, oui, qui a été fondé par Ortega y Gasset à son retour d'exil, donc en 1948. 1948. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette aventure que vous, oui, avez partagée avec Ortega y Gasset? Oui, naturellement. Nous l'avons fondée ensemble et il a dit « Je vais faire cela seulement avec Marías parce que nous sommes deux insensés qui n'avons rien à perdre ». Qu'il a dit. Le siège de l'Institut des Humanités était une petite institution d'enseignement que nous avions fondée en 40, très petite, qui s'appelait Aula Nueva. Alors, comme il y avait des difficultés légales à ce moment-là, l'Institut des Humanités a apparu comme une activité d'Aula Nueva. Vous comprenez? Et nous avons eu une grande salle à la Gran Via d'abord, et puis le deuxième cours, ça a été au cinéma Barceló. Et je me souviens très bien, c'était 1300 auditeurs. Et alors il a fait deux cours de 12 conférences chaque année, et il y a deux livres, l'un sur l'interprétation de l'histoire universelle, l'autre l'homme et les gens, le livre sociologique. Ils sont la transcription à peu près exacte des cours. Il faisait quelquefois un texte qu'il ne lisait pas, en général, quelques morceaux. Mais il marquait, par exemple, même sur les manuscrits et les pauses qu'il devait faire. Parce qu'une conférence est quelque chose de dramatique. Si vous devez dire des choses très difficiles ou beaucoup de choses dans une heure, il faut compenser avec plus de dramatisme. Si vous introduisez une dose plus haute de dramatisme, on comprend bien. Si vous manquez ce dramatisme, on ne comprend pas. Pour évoquer l'héritage intellectuel et philosophique d'Ortega, nous nous sommes réunis autour d'une table avec Celia Amorós, Cristina Peretti et Jacobo Muñoz, trois jeunes philosophes de l'Université de Madrid. Pour moi, personnellement, Ortega y Gasset n'est pas un point, ce que l'on pourrait dire, un point de référence. Mon intérêt pour l'existentialisme ne se doit pas justement à la lecture de Ortega y Gasset, qui peut être un intérêt pour certains, et surtout la façon dont il fait du périodisme philosophique avec une certaine dignité, l'on pourrait dire. Peut-être ça intéresse quelqu'un. Personnellement, c'est un intérêt très borné qui a cette façon de travailler. Mais qu'est-ce qu'un philosophe d'aujourd'hui peut encore avoir à apprendre, si j'ose dire, ou à découvrir dans des textes que, par exemple, Ortega y Gasset a consacrés au comportement de l'espagnol moyen ou de l'espagnol aristocratique, cette espèce de sociologie pratique, concrète qu'il a mise en œuvre, est-ce que ça continue d'avoir un sens aujourd'hui? Oui, je crois que sa façon d'écrire, ça c'est pour lui prendre des notes, évidemment, non? Sa façon d'écrire, une certaine finir analytique pour... J'aime beaucoup ses études sur des philosophes concrets, par exemple Kant, Hegel, Dilthe, l'idée des principes chez Leibniz. Je préfère ses essais que les théories philosophiques générales. Et je crois que sa façon, comme écrivain, il est vraiment... un modèle intéressant à suivre pour celui qui peut le faire. Autrement dit, vous préférez Ortega lecteur plutôt que constructeur ou philosophe, constructeur de système. Oui, bien, exactement. Je pense également, comme Célia, qu'il écrit très bien et que sa pensée est assez solide, mais de toute façon, je ne la trouve pas trop originale. Je pense que sa philosophie reprend surtout... les différents aspects qui peuvent intéresser Ortega de la pensée de grands philosophes tels que Nietzsche ou Dilthe ou Heidegger. On ne trouve point chez Ortega de réflexion sur le langage, par exemple. Mais est-ce qu'il n'y a pas une réflexion immanente dans son texte même sur le langage, justement? Moi, je ne vois pas vraiment de réflexion sur le langage. Peut-être qu'il a créé certains mots qui manquaient justement à la philosophie espagnole. Parce que vraiment, la philosophie espagnole n'avait presque pas de mots philosophiques. Mais de réflexion sur le langage, vraiment, je n'en trouve pas. Alors de ce point de vue-là, je pense que sa pensée est assez dépassée et qu'elle n'a pas une grande influence sur ce qui se fait aujourd'hui en Espagne. Non, je crois que la jeunesse actuelle, ou bien les gens qui ne sont pas tellement jeunes déjà, ont l'occasion de lire à Ortega sans les préjudices qui ont dominé sa figure, son héritage pendant beaucoup d'années. Alors la normalisation politique du pays fait possible d'oublier toute la caractérisation que la droite espagnole franquiste a fait d'Ortega comme un penseur presque maudit, et aussi la déification d'Ortega par ses héritiers de la Revista d'Occidente. Et on peut maintenant comprendre qu'Ortega était vraiment très important, mais pas les grands philosophes du XXe siècle, et pas tellement coulpable de la démonisation qu'on a fait de lui comme d'Unamuno pendant l'ère de Franco. Mais en tout cas, si je pense qu'Ortega n'a pas maintenant trop à dire dans les grandes questions qui nous préoccupent, et que les jeunes philosophes espagnols travaillent plutôt dans un espace bien analytique anglo-américain, philosophie de la science, du langage, etc., bien dans un espace post-structuraliste, bien dans un espace néo-marxiste. Et Ortega, si est-ce qu'on peut penser qu'il y a maintenant une certaine revalorisation dans la vague de revalorisation dans toute l'Europe de l'héritage libéral. Par exemple, Raymond Aron en France, Popper dans tout le monde anglo-américain et le monde allemand aussi. Et on voit comme des partis socialistes qui sont en démontage de la présence martienne dans ces programmes et dans ces idéologies, introduisent lentement des facteurs ou une certaine présence d'un libéralisme progressiste. Europa tiene que aprender en la historia, no hallando en ella una norma de lo que puede hacer. La historia no prevé el futuro, sino que tiene que aprender a evitar lo que no hay que hacer. Por tanto, a renacer siempre de sí misma, evitando el pasado. Para esto nos sirve la historia, para libertarnos de lo que fue. porque el pasado es un revenant y si no se le domina con la memoria, refrescándolo, él vuelve siempre contra nosotros y acaba por estrangularlo. En 1930, José Ortega y Gasset prend la parole au Centre d'études historiques. Il lance un appel à l'Europe et exprime son espoir de la voir parvenir à maîtriser sa longue histoire en s'appuyant sur elle pour inventer l'avenir. On passe sur l'histoire comme on passe sur une terre de labour que l'on retourne pour la rendre féconde. Que es la manera de hacerlo fecundo, como se pasa sobre la vieja tierra con el arado e hiriéndole con el surco se le fructifica. Une vie, une œuvre. Ortega y Gasset. Un spectateur dans l'Europe. Une matinée proposée par Jacques Munier. Avec Madame Soledad Ortega Spotorno, le docteur Miguel Ortega Spotorno, Julian Marias, Alain Guy, Anna Lucas, André Manso, Celia Amoros, Jacobo Munoz, Cristina Peretti. Les textes, extraits des œuvres complètes d'Ortega y Gasset, édités par la Revista de Occidente à Madrid, traduits par Jacques Munier, ont été lus par Philippe Moreau, avec la voix de Muriel Petit. Enregistrement à Madrid, Georges Arrigoni. À Paris, Agnès Boissonnade. Mixage, Michel Mirou. Réalisation, Jean-Claude Loiseau. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 15 novembre 1984. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique « Les nuits de France Culture ».